je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, qui traîne sa vie aux quatre vents. J'y rêve d'été et de printemps, lorsque vient l'automne et les tourments. Mais c'est monotone, monotone, de me supporter depuis si longtemps. Et la même gueule et le même sang, coulant dans mes veines. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme. J'ai perdu mon cœur depuis longtemps. Et qu'on me pardonne si je ne sais plus que faire semblant. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme. J'ai brûlé mes ailes au soleil brûlant. J'ai fermé ma porte. Que la vie fut belle de temps en temps, je ne saurais taire pour bien longtemps ce que me coûtèrent ces bons moments. Mais rien à faire, rien à faire, car je sais trop bien qu'au premier tournant, au premier sourire, au premier bon rang, je retomberai dans le guet-apens. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, et j'aime la vie si je m'en défends. Elle le sait bien, cette poltronne qui donne toujours et toujours reprend. Et qu'on me pardonne si je n'y crois plus que de temps en temps. Je sais que personne, non personne, n'a jamais su dire le chemin. Je fais ma vie au gré des vents. Je crie, je tempête et je tonne. Puis je m'extasie